au fond près du radiateur sans suspens. Radioactif comme le nucléaire. On fout le boxon. Chaque soir, chaque semaine, à chaque son. À chaque son. Tu veux mon nom ? Au fond près du radiateur. Family bitch, yo. J'ai des sujets mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. J'ai des projets mais ils font tout pour les aborder. J'ai des messages mais pas ceux qu'ils aiment véhiculer. Ok mon man, tous les mardis. On a des blagues mais c'est pas celles qui les font marrer. Everything I do gonna be funky. Au fond très sur radiateur.fr. C'est aux gens qui luttent de faire l'info. La grande gueule au fond près du radiateur. Quelle question tu veux que je te pose? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Step on and set control. De retour au fond près du radiateur. Tous les mardis, 19h à 20h30. Sur FPP 106.3 FM. Le vendredi matin, la rediff de 7h à 8h30. Et toujours faire attention aux flics, aux faf. Voilà, bah on va faire une petite pause musicale et puis on reviendra une fois de plus en essayant de faire notre propre info. 106.3 FM, poto. James, A-N-F-A-L-S-H, au fond près du radiateur. FPP 106.3. Ok, bonsoir à toutes et tous, c'est l'émission au fond près du radiateur comme tous les mardis, 19h-20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous nous retrouvez aussi tous les vendredis matins de 7h à 8h30 du matin pour la rediffusion. Voilà, on a aussi, pour écouter tous les podcasts, le site internet au fond près du radiateur.fr et vous pouvez nous suivre sur Facebook. Voilà, tout est dit. Ce soir, on est mardi 8 mars. Et en fait, demain, c'est la grève générale, le 9 mars. Il y a tout un mouvement contre la loi travail. Donc, on va parler de ça en première partie d'émission. Et en fait, on est très, très nombreux sur le plateau. Et du coup, on a une dizaine d'invités de tous les secteurs. Donc, lycéens, étudiants, travailleurs du public et du privé, chômeurs et tout ça. Donc, ça sera la première partie de cette émission. Merci à tous d'être là déjà. Salut. Salut. Salut. Voilà, il y a du monde, ça fait plaisir. Merci d'être là. Et du coup, on a Robinson qui fait la technique ce soir avec Mustapha aussi. Salut tout le monde, bonsoir. Et du coup, Mustapha, en dernière partie d'émission, je te laisse présenter un peu le sujet que tu vas aborder. On va parler un petit peu de la Palestine, de deux événements qui sont en cours en Palestine et au niveau international. Il y en a un premier qui est Open Shuhada Street, qui a pour but de rouvrir la rue commerçante de Hébron, en Palestine. Et le deuxième, qui est l'Israël Apartheid Week, qui a été initié à partir de 2005, qui se déroule principalement dans les facs, et qui permet de sensibiliser la population sur les questions d'apartheid en Palestine également. Ok, donc on va faire une petite pause musicale après ce sommaire, et on va s'écouter un morceau de Morad. Donc Robinson, si tu peux nous lancer le CD, ça s'appelle La colère monte doucement. On écoute ça, FPP 106.3 FM, gardez l'écoute. Se parle, communique, et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent, et la colère monte doucement. Les gens se parlent, communiquent. des temps, un fatalisme dévitalisant. Des espoirs, des esprits s'enlisant, creusant un peu plus le fossé entre générations. Des idolâtres qui prennent les démons en vénération, sans modération. Les actes d'incivilité se multipliant, dans les transports en commun s'écriant. Le manque de perspective habite nos corps inertes. Certes, chez nos voisins, l'herbe n'est pas plus verte. On se bat pour plus de liberté, ici et là. Le déclin des démocraties a un charme que je ne capte pas. Le choix entre le choléra et la peste. On compte plus ceux qui retournent leur veste. Étonnés de l'effondrement des régimes qu'on déteste. Comme des endormis qu'on dérange pendant la sieste. Les illusions disparaissent et les masques tombent. Pensy, ils ont les chevilles fragiles, les mastodontes. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. Faciès assombris, regard fuyant, funeste projection des idéaux déclinants. Multiplication des moyens de communication, aptitude, solitude. On vit par procuration, atmosphère délétère, intéressement. On pense le bonheur dans les biens de consommation. On est ce que l'on possède, inexistant. On considère comme des marginaux les résistants. Suicide collectif pour éviter la honte. Prisonniers des crédits, noyés dans les comptes. On maudit le système comme des schizophrènes. On fait bonne figure pour passer à l'antenne. L'âme en peine, quoi qu'il advienne. On est bouleversé par le cours des événements. Impuissant quand se déchaînent les éléments. On nous ment depuis longtemps. On ne sait pas vivre autrement. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. Ok, c'est l'émission Fond près du radiateur, comme tous les mardis, fréquence Paris pluriel 106.3 FM. Et Robinson, coupe le son vite fait. Ouais, merci. C'était Morad de la Secret Connexion, la colère monte doucement, donc voilà, c'est le thème de l'émission un peu. La colère monte doucement contre la loi travail notamment, donc c'est une loi que nous a sorti le gouvernement socialiste il y a quelques semaines. Donc, présentée par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Donc, tout le monde la connaît maintenant, notamment parce qu'elle était passée sur RTL, je ne sais pas quoi. On lui avait demandé au bout de combien de CDD. Vous avez un CDI ? Elle ne savait pas. Et elle a avoué qu'elle n'avait jamais travaillé. Donc, c'est elle qui, aujourd'hui, nous présente la réforme du Code du Travail et qui veut nous faire travailler, notamment, de plus en plus, jusqu'à 60 heures par semaine, 12 heures par jour. Et voilà, payer moins. Donc en gros, c'est ça, le retour de l'esclavage moderne, quoi. Du coup, pour présenter un peu tout le monde, je propose on fait un tour de table vite fait. En quelques mots, chacun se présente et tout. Donc comme on disait, on est assez nombreux ce soir. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer et tout. Peut-être Paris 8, parce que notamment l'université de Paris 8 à Saint-Denis, vous avez voté la grève aujourd'hui. Il y avait une assemblée générale assez massive. Il y avait 700 personnes réunies qui ont voté la grève jusqu'à jeudi. Et notamment, vous participez à la manifestation de demain, 14h, donc contre la loi travail. Donc je vous laisse vous présenter un peu. Donc on a Myriam qui est avec nous. Moi, je suis Myriam. Je suis étudiante à Paris 8 et je fais partie du syndicat solidaire étudiant. Et... voilà, aujourd'hui on a eu une AG et on était à peu près 400, 500 600, 700, ça dépend, au début ou à la police. Fin. Voilà. Je te laisse te présenter toi aussi. Ouais, merci. Moi je m'appelle Victor, je suis en deuxième année de licence, donc aussi à Paris 8 à Saint-Denis. Je fais des sciences politiques. Voilà, j'étais présent également à l'AG, puis au comité de mobilisation et la colère monte doucement. Bah, ça fait plaisir, bienvenue. Donc il y a Antonio aussi qui est avec nous. Toi, tu es plutôt à Paris 13, ouais, à l'IUT. Moi, je suis à Paris 13, à l'IUT de Bobigny. Nous, on part de rien. Donc on a fait une AG lundi, il y a eu du monde. Il y a une dynamique qui se met en marche. Demain, le 93 sera rassemblé. Il sera demain à République. On sera avec les lycéens. On va faire une convergence, ligne 5, Pablo Picasso à 14h. On sera tous dans le métro. On sera là, République. Ok, bienvenue, pareil. Donc, on a Olivier et Stéphanie aussi de La Poste. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir, oui, donc Olivier et Stéphanie de Sud Poste. Donc on parlera aussi un petit peu de la mobilisation à La Poste sur demain, qui sera inégale suivant les départements et les bureaux à La Poste. Voilà. Ok, je te remercie. Loïc aussi, je te laisse la parole. Ouais. Loïc, animateur en centre de loisirs à la mairie de Saint-Denis, à Solidaire. Voilà. Et Stéphanie, pardon. Non mais c'est juste, Olivier, ça sera plus le 92 justement, et Stéphanie plus 75, ça fera différents départements. D'accord, toi tu taffes à Paris et lui plus dans les Hauts-de-Seine, voilà, à La Poste. On a aussi Julien, c'est ça ? Oui, Julien, moi je suis représentant CGT à Gilbert-Joseph, la librairie. Donc je représente un petit peu les commerces culturels, on bosse un peu avec la FNAC. On est en avant-poste sur la question depuis la loi Macron, depuis au moins un an et demi. Connu pour le travail du dimanche, tout ça. Voilà, on a fait des petits coups devant le Sénat et compagnie qu'on pas mal marqué. On a des collègues qui s'intéressent de plus en plus à ces choses-là. Et c'est très important dans les commerces culturels, notamment rapport à la FNAC, parce que c'est un truc un petit peu particulier qui est au milieu de tout. Et voilà. Et demain, vous êtes en grève ? Demain, on est en grève. À savoir, c'est intéressant parce qu'on n'est pas allé voir tout le monde. Il y a beaucoup de grévistes spontanés. Okay. Des gens qui n'ont jamais fait grève. Voilà, c'est un truc assez rare pour être noté. Des gens qui ont juste décidé, ouais, là, il n'y a pas moyen. Et je pense qu'on va être en masse demain. On sera dès midi devant Gibert, bien visible. Et puis après, on a les... Gibert, c'est où ? C'est vers Saint-Michel, 26 c'est ça ? Boulevard Saint-Michel, okay. La grande librairie. Ok, à midi là-bas. On a Alexis aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alexis, moi je suis chauffeur de bus et je suis syndiqué à la CGT RATP. Ok, voilà. Ben, merci d'être avec nous. Pierre aussi, je te laisse te présenter. Oui. Alors donc Pierre, la CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires, c'est-à-dire entre deux emplois, et ceux qui sont sans emploi. Voilà. Ok, donc ça nous paraissait important aussi, parce qu'on nous présente cette loi comme un remède contre le chômage, d'inviter aussi des comités de chômeurs, parce que ça va être le recours, cette loi, massivement aux heures supplémentaires, vu que ça permet qu'elles soient moins rémunérées. Donc les patrons vont employer massivement des gens en heures supplémentaires, ce qui va faire évidemment exploser le chômage, ça veut dire qu'ils n'emploieront pas de nouvelles personnes. Donc voilà, c'était un petit peu un tour de table. Maintenant, je pense on peut aborder le vif du sujet, c'est-à-dire pourquoi cette grève demain ? Donc c'est une grève qui est partie du refus de la loi travail. Donc je crois, Alexis, tu voulais un peu nous expliquer ce qu'il y avait dans cette loi. En gros, c'est travailler plus pour gagner moins, quoi. Oui, je me proposais de mettre un petit peu le projecteur sur l'aspect sécurité de la loi, parce que elle nous est vendue comme une, elle nous est proposée comme une loi de sécurisation de l'emploi. Sur tout ce qui est négatif, bon, je laisserai les camarades intervenir là-dessus. Il y a énormément d'aspects négatifs. C'est une loi, de toute façon, c'est un copier-coller de ce que propose le MEDEF. Le syndicat des patrons. Ouais, le syndicat des patrons. Ils en font la réclame en disant qu'il y a aussi des aspects positifs, j'ai regardé un petit peu quels étaient ces aspects positifs et je vous avoue que c'est assez rigolo. Je vous propose de commencer par le référendum d'entreprise. Aujourd'hui, pour qu'un accord soit valable, il faut qu'il soit signé par des organisations syndicales représentant 30% des salariés de l'entreprise. Et alors, bon, ça nous est vendu comme un progrès, puisque demain, il faudra qu'il soit signé par des syndicats représentant 50%. Donc on nous dit, en quelque sorte, demain, ce sera plus représentatif qu'aujourd'hui. Donc un accord d'entreprise, c'est par exemple sur l'organisation du travail. Ça peut être un accord qui est signé entre les syndicats, par exemple, pour augmenter le temps de travail, pour avoir des augmentations. Voilà, pour les... Dans l'idéal, mais c'est plutôt des diminutions. L'aménagement du temps de travail. Bon, aujourd'hui, les accords d'entreprise, ils doivent être supérieurs aux accords de branche et au code du travail. Hein. Ça, c'est un autre aspect peut-être que d'autres développeront. Un accord d'entreprise, il ne peut qu'améliorer le droit général, quoi, du travail. Donc ça, c'est vendu comme un progrès, à savoir qu'aujourd'hui, 30% des syndicats représentant 30% des salariés peuvent signer un accord, et demain, on dit, ce sera 50%. Donc ils nous disent, ah bah, c'est quand même un progrès. Quelle est la carotte ? Parce qu'il n'y a aucun progrès dans cette loi. La carotte, c'est que, en fait, si elles ne sont que 30%, des organisations représentant 30% pourront demander demain un référendum d'entreprise. Dans une toute petite entreprise, un référendum, c'est le patron qui va décider du résultat du référendum. Ouais, de la question et puis même du résultat, avec l'influence qu'il a sur les salariés. Je donne pas cher de la démocratie dans les PME, quoi. Aujourd'hui, pour dénoncer un accord signé par 30%, eh bien, il faut être 50%, toujours en termes de représentativité des syndicats de l'entreprise. Mais demain, donc on dit 30%, ça permettra de faire le référendum, sauf que même des syndicats représentant 60 ou 70% des salariés ne pourront pas dénoncer l'accord. Donc, et ça, je répète, ça fait partie des aspects qui sont vendus comme des progrès, des droits nouveaux et des sécurités nouvelles pour les travailleurs, quoi. Et juste pour un petit point sur ces histoires de référendum, par exemple, une entreprise qui emploie plusieurs milliers de salariés, donc qui va avoir plusieurs enseignes dans toute la France, il y aura donc le patron va faire un référendum dans tous ces sites, dans toutes ces entreprises, mais les organisations syndicales ou les collectifs de salariés organisés sont pas présents dans tous ces sites, donc c'est une lutte à armes inégales. En fait, si on pose un référendum, déjà, il faudrait que chacun puisse poser la question pourquoi les salariés pourraient pas faire un référendum pour demander un 13e moi, par exemple, dans l'entreprise. Ça, c'est pas quelque chose qui devient possible. En fait, c'est seulement le patron qui va pouvoir poser une question pour dire aux salariés, travaillez plus. Est-ce que vous êtes d'accord pour travailler plus ? Et ça sera la question. Et en ce moment, il leur dit, de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, je vais fermer la boîte. Vous allez vous retrouver au chômage. Donc, ça va être du chantage à l'emploi. Donc, en fait, dans l'idée, ça serait une bonne chose au niveau de la démocratie de l'entreprise, sauf que ça va être à sens unique un peu, quoi. Ouais, Victor et Myriam, vous voulez rebondir un peu ? Donc, étudiant à Paris 8 Saint-Denis. Ouais. Je voulais juste dire un truc avant, parce que c'est un énorme foutage de gueule, cette histoire. Parlez bien dans les micros, s'il vous plaît. Ouais. C'est un énorme foutage de gueule, rapport à ce que disait mon collègue là. Parce que ces accords d'entreprise, tout ça, c'est du travail de syndicat, ça. Ça, normalement, pour s'organiser dans une entreprise, pour savoir comment on fonctionne, pour discuter avec le patron, il existe un putain de cadre. Et déjà, il y a le code du travail qui est là depuis 1910, qu'on a rajouté beaucoup de choses pour tout ça. Et c'est les syndicats qui s'occupent de rassembler les employés et d'organiser la discussion avec les employeurs. Donc là, ils se foutent de notre gueule deux fois en nous réécrivant, en nous disant que le code du travail ne sert à rien alors que ça fait un siècle qu'on l'écrit pour qu'il serve à quelque chose. Et ils se foutent de notre gueule en nous sortant ces histoires de référendum, on va s'arranger entre nous. Non, il y a des syndicats qui sont là pour ça et c'est très sain. Voilà. Donc le principe aussi, c'est ce que disait Alexis, c'est inverser un peu la hiérarchie des lois, quoi. Et du coup, il y avait le code du travail en haut, les accords de branches, donc le secteur du commerce ou le secteur des transports ou le secteur de la restauration, voilà, et où il y avait une uniformité du droit du travail. Et en dessous, il y avait les accords d'entreprise. Et là, on va faire l'inverse. Les accords d'entreprise seraient supérieurs aux accords de branches qui seraient supérieurs au code du travail. Donc en gros, on va mettre les salariés en concurrence. Par exemple, je sais pas, une grande enseigne, un grand magasin à Paris, le printemps, s'il y a un accord qui passe où les salariés vont travailler 40 heures, payer moins, si le magasin d'à côté, je sais pas, le BHV par exemple, le patron va leur mettre la pression, va leur dire, voilà, si vous acceptez pas ça, bah, je vais faire des licenciements, etc. Donc, voilà, juste pour dire ça, il y avait Mustapha aussi qui voulait faire un point un peu sur le code du travail, donc d'où ça vient, qu'est-ce que c'est le code du travail. Juste, on a aussi ce téléphone qui vient d'appeler. Ouais, c'est un étudiant, un lycéen, du coup, s'il peut rappeler dans 10 minutes juste, on va le prendre dans 10 minutes, on va faire un point sur chaque secteur, qu'est-ce qui se passe dans chaque secteur, dans les facs, dans les entreprises, etc., et dans les lycées, dans 10 minutes, mais je te laisse la parole, tu voulais prendre la parole, ouais. Bah, en fait, je voulais juste rappeler d'où venait le code du travail. Évidemment, l'année, c'est 1910, donc ça a mis du temps, en fait, à pouvoir être institué, à pouvoir naître. C'est après pas mal de luttes de travailleurs et de non-travailleurs, en fait, Après la Révolution, on avait un ensemble de lois et la force de travail était considérée comme une chose qui était louable. Donc il y avait 66 lois à peu près qui géraient le louage des choses, dont deux qui géraient la force de travail. On estimait que l'égalité des citoyens faisait que celui qui louait sa force de travail et celui qui avait l'unité de production ou autre était à égalité citoyenne, ce qui était une fiction plus ou moins juridique plutôt qu'autre chose. Il a fallu attendre des événements assez déplorables et des luttes de travail tels que dans une mine où il y a eu 1000 morts pour voir en 1910 un embryon du code du travail qui naît et qui ne cesse de s'étoffer à cause des luttes sociales et aussi parce que les patrons y apportent leur contribution. Donc les 1,5 kg du code du travail sont grosso modo 1,5 kg de lois concrètes et le reste, 1 kilo de dérogations faites et de cadeaux au patronat en général. Ouais, il y avait, comme vous voulez, soit Pierre, soit Myriam, soit Victor et tout. Ouais, je voulais juste reprendre un peu, reformuler à ma manière ce qui vient d'être dit sur les accords d'entreprise. Un petit point, donc pour reprendre un peu de manière technique, même si, comme tu l'as dit et comme tu m'as présenté, je suis étudiant, donc j'ai une moins grande expérience de l'entreprise que vous, bien évidemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le marché du travail, il y a aujourd'hui une hiérarchie des normes qui place la loi au sommet de tout, puis les accords de branche, puis les accords d'entreprise. C'est-à-dire que les accords d'entreprise, comme tu l'as dit, ne peuvent être appliqués seulement s'ils sont plus favorables aux salariés que les accords de branche. Ce que propose la loi, c'est tout simplement la mise au centre de tout le projet, la mise au centre des accords d'entreprise. C'est-à-dire que la législation, désormais, donne aux accords d'entreprise, lui laisse les mains beaucoup plus libres. C'est-à-dire que le rapport de force qui est institué entre salariés et patronat sera désormais beaucoup plus favorable au patron. Et ça signifie aussi que pour les salariés, ce sera beaucoup plus difficile de se mobiliser parce qu'ils devront lutter entreprise par entreprise au sein des branches d'entreprise. Voilà, c'est pour faire un petit point technique. C'est ça. Pierre aussi, tu voulais prendre la parole, donc comité de chômeurs CGT. Oui, plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faut voir par rapport au principe qu'on vient d'évoquer et je voudrais développer là-dessus. Si les accords d'entreprise, donc comme il l'a dit, c'est une inversion de la hiérarchie des normes, prime sur la loi, ça veut dire, par exemple, que chaque entreprise aurait un règlement différent. Donc il y aurait une inflation de règlements. Et au lieu d'un code du travail qui fait un volume, on aurait 15 volumes de règlements. Donc déjà, la simplification est un leurre. Ils nous prennent pour des idiots. Il est évident que cette inversion de hiérarchie des normes reprend un principe qui a été développé par le traité de Lisbonne. Hein, c'est pour avoir une vision globale. Si je baisse les salaires chez toi, je suis obligé de les baisser chez moi. Si je baisse les salaires ici, européen, quoi, le traité de Lisbonne. Je suis obligé de les baisser là. Si j'abaisse les impôts sur les sociétés ici, je suis obligé de les baisser les impôts sur les sociétés. On a vu avec la Belgique et la Hollande, hein, les scandales qu'il y a eu par rapport à ça. Donc c'est une spirale sans fin vers le bas. C'est imparable. C'est bien pour ça qu'on tombe tous dans la misère. Et nous, les précaires, on est les premières loges. Et donc, la seule parade possible, c'est la loi. C'est le plancher. Et ensuite vient le règlement qui est, comme il l'a dit, supérieur à la loi et qui permet de, en paritaire, donc hein, ça nous concerne, nous, par rapport au syndicat, de discuter de comment on peut spécifiquement améliorer quelque part ou là. Et alors, ça, c'est important à comprendre. La deuxième chose, c'est que je voudrais juste illustrer un exemple, comme quoi il y a quand même des choses qui ne vont pas sur le domaine réglementaire. On voit que le domaine réglementaire, il est donc au-dessus de la loi. Or, dans la loi, c'est un détail qui est, je pense, signifiant. On voit qu'il y a certains, pas nous, ont demandé que dans la loi, je lis parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est un détail signifiant, les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à 3 jours consécutifs ou non au cours du mois civil, c'est la loi, hein, non déclarées par le demandeur d'emploi à Pôle emploi, au terme de ce moment-là, ne seront pas prises en compte. Pourquoi mettre ça dans la loi? C'est du domaine du règlement et ça existe déjà. Or, il y a des syndicats qui ont écrit une lettre au ministère pour demander que ça soit mis dans la loi. Là, c'est grave, parce que justement, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui n'ont pas compris. Deuxième article à la suite, qui est dans le même. Si l'application donc, de l'article que je viens de lire fait obstacle à l'ouverture ou au rechargement des droits à la location d'assurance, peut exercer un recours devant l'instance paritaire. Mais ça, ça existe déjà. Il y a les IPR et les IPT. Donc, en fait... Si on peut éviter de rentrer dans des détails trop techniques, ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas, c'est pour ça que j'insiste sur les principes, et c'est pour ça que je parle, je fais le parallèle avec ce qui va se passer en France et ce qui se passe au niveau de l'Europe, un dumping sans fin. Et s'il n'y a pas de plancher, on va tous tomber dans la misère. Et je signale quand même que justement, c'est la misère qui permet d'accélérer le pouvoir de ceux qui ont plus. Et donc en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste le pouvoir. C'est pas qu'une question monétaire. Hein. C'est fini. Julien Gibert. Pour rebondir sur. Gibert, ce n'est pas ton nom, c'est là où tu travailles. Voilà. Ouais, Gibert Joseph, une entreprise. Gibert. Oui, non, oui. Vas-y, je t'en prie. Mon camarade l'a parlé de la sécurité tout à l'heure, parce qu'on nous a vendu cette loi avec un formidable concept de flexi-sécurité, qui en soi peut être tout à fait réfléchi, c'est-à-dire une flexibilité pour les employeurs et de la sécurité pour les employés. Quand on scrute la loi, on a de la flexibilité, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a beau la scruter, il n'y a aucune sécurisation de l'employé. C'est juste la flexibilité pour l'employeur. Alors après, ça peut se décliner à travers des tas de détails techniques qui sont intéressants quand même à développer, parce qu'on est tous beaucoup plus intelligents qu'on ne le croit. Et on sait très bien ce que c'est que 12 heures par jour, travailler le dimanche et tout ça. On imagine ce que c'est quand même. Donc voilà, et insister sur le foutage de gueule, parce que la loi El Khomri en soi, c'est pas grand chose par rapport à ce qui se fait depuis Macron, c'est juste le déroulé logique, et c'est juste parce qu'on nous a changé la tête de proue là, que d'un seul coup ça a l'air d'être quelque chose. Mais l'énorme foutage de gueule, c'est que c'est un gouvernement qui se dit socialiste, qui ose faire ça. C'est-à-dire qui ose faire de la flexi, proposer de la flexi-sécurité et nous mettre dans la gueule de la flexi-flexibilité, point, et qui ne voit pas le problème. Ouais, moi j'aimerais juste réagir justement sur ce que vous venez de dire tous les deux. Il y avait Loïc aussi qui voulait prendre la parole. Je fais très court, très court. À propos des licenciements pour motifs économiques. C'est absolument dément. Tu parlais du dumping au niveau européen. C'est absolument fou ce qu'ils nous proposent. C'est que la loi aujourd'hui, elle explique que le licenciement économique peut être valable que pour des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Et ce que l'article, une partie de la loi El Khomri propose, c'est qu'elle étend les motifs de licenciement économique et en gros, une multinationale qui fait du bénéfice à l'étranger mais qui n'en fait pas en France peut licencier en France, alors que pourtant, à l'international et au niveau total du groupe, elle fait des bénéfices. Donc on nous explique qu'on vit dans une économie mondialisée, que les salariés doivent ouvrir les yeux et doivent se rendre compte de la réalité du marché du travail, mais pourtant, ils agissent de la manière opposée. Et il nous explique que, eh ben non, c'est pas si mondialisé que ça, parce que si en France ça se passe pas bien, eh ben on peut licencier. Alors que l'entreprise fait des bénéfices au niveau mondial. Ouais, ça pose un vrai problème aussi par rapport à la justice sociale. Parce que justement, les plans de licenciement, ça fait quand même un bon moment qui a lieu en France, les plans de licenciement. Je pense que les gens là-dessus, quand même, ils sont assez conscients. Tout le monde a peur quand même de perdre son travail, ce qui est d'ailleurs un élément moteur pour la concurrence hein, dans l'entreprise. Et là, on met des bâtons dans les roues. En fait, on veut culpabiliser les travailleurs, alors qu'en fait, il y a peu de décisions de justice qui donnent raison aux travailleurs de garder leur travail. Donc le problème aussi, il est là maintenant, parce que aussi l'outil de travail, c'est nous quoi. Donc c'est nous qui faisons, et c'est même nous qui sommes en capacité de répondre aux besoins des gens qui sont autour de l'entreprise. Et ça, donc, ça pose aussi un vrai problème. C'est-à-dire ils sont en train de nager dans la superficialité, ce qui traduit bien aussi la prise du pouvoir dans le rapport de force qu'a le patronat actuellement. Et c'est sur ça aussi qu'il va bien falloir aussi se mettre dans la tête. C'est pas une minorité de personnes qui peut diriger une majorité de salariés dans ce pays. Ça, ne serait-ce que par rapport à l'histoire, faudrait ne pas l'oublier. Donc, il faut y mettre du sens. Donc, et je pense qu'aussi, il va falloir mettre des revendications offensives maintenant, parce que là, on s'est trop fait marcher dessus. Et ça prouve bien qu'ils n'ont aucune gêne à vouloir nous humilier, car ils sont dans leur bulle, car ils ne veulent pas voir la réalité. Et ça, c'est quelque chose que je pense que dans les jours à venir, dans les mois à venir, les années à venir, il faut garder en tête. Alexis ou Pierre, comme vous voulez prendre la parole tous les deux. Ouais, Myriam, bah moi, je... Myriam après aussi. Ouais, je proposais juste un deuxième truc sur la sécurité, entre guillemets, en fait, la flexi-précarité, en réalité, qui est mise en œuvre, là, qui est proposée. Premier élément, on nous dit qu'il faut se rapprocher du système scandinave. On nous fait beaucoup de bruit avec ça. Ne serait-ce que, là, je prends juste un exemple rapide. Pour le chômage, le système scandinave, c'est en moyenne 4 ans à 80% du salaire. Nous, en France, c'est 23 mois à 57% en moyenne. Donc le système scandinave, on en est loin. Et juste un deuxième élément qui est vendu comme positif dans la loi, c'est pour les cadres, déjà, c'est un truc qui va s'appliquer uniquement aux cadres, et ça concerne le droit à la déconnexion. Vous savez que les cadres, avec les iPhones et tout, ils peuvent travailler en dehors de leur lieu de travail et au-delà de leur temps de travail. 75% des salariés se connectent en dehors de leur temps de travail, 50% des cadres pendant leur jour de congé, et 30% ne déconnectent jamais. Et alors dans la loi, il y a en effet un aspect droit à la déconnexion. Il faut savoir qu'il est intégré à la négociation d'entreprise sur la qualité de vie au travail. Ça veut dire que là, c'est pareil, c'est le rapport de force interne dans l'entreprise qui va parler. Et on sait où en est aujourd'hui le rapport de force dans les entreprises. Bon, je ne désespère pas que ça puisse changer là très prochainement, mais enfin, en l'état, ce serait une catastrophe. Et c'est le seul article de la loi qui ne s'appliquerait qu'à partir de juillet 2017. C'est-à-dire que c'est l'un des aspects qui nous est proposé comme soi-disant positif et bizarrement c'est le seul qui est différé dans le temps par rapport aux autres aspects de la loi. Ok. Pierre ou Myriam ? Bon, Pierre donc. Oui, c'est évident que cette loi, elle sécurise l'employeur. Nous, on s'intéresse évidemment à ceux qui sont virés, puisque ils sont dans mon cas. Ça sécurise l'employeur parce que, par exemple, les indemnités seront plafonnées. Les voleurs de poules, c'est plancher. Tu as volé une poule, c'est 3 mois, plancher. Eux, c'est ferme. Voilà, ferme, oui, bien sûr. Bon, oui. Bon, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi, elle n'est pas faite pour sécuriser. Au contraire, puisqu'elle permet, effectivement, comme il a été dit, des licenciements. Je rappelle que les licenciements existent depuis longtemps. Il suffisait de payer les indemnités de licenciement, qui étaient proportionnelles aux années. La première année, au bout de 5 ans, tu passes... Par exemple, quelqu'un qui est resté 20 ans dans une boîte, qui a pris un crédit pour acheter sa maison, qui vit avec son conjoint ou sa conjointe, qui se fait licencier, il a le droit de demander et sa conjointe le quitte et tout ça, il perd sa maison, sa conjointe le quitte, donc il a un préjudice moral et un préjudice financier, il peut demander des indemnités par rapport à ça, qui peuvent se monter à des dizaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, ça sera plafonné avec cette loi, la loi travail, la loi El Khomri, ça serait plafonné à 15 000 euros maximum, c'est ça ? Oui, c'est un aspect. Mais moi, je voudrais préciser que là, tu parles en cas de rupture où il faut trouver la faute, c'est-à-dire comme avant. Où on licenciait, on payait, ou on licenciait pour faute sans payer, et à ce moment-là, il fallait prouver la faute. Et là, il pouvait y avoir des recours, et c'est ces recours qui sont plafonnés, comme tu viens de le dire. Je rappelle alors donc qu'il pouvait le faire en payant les indemnités en proportion des années, mais il y a maintenant les ruptures conventionnelles. Alors, les ruptures conventionnelles, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on la présente comme ça ouvre des droits. Ça ouvre des droits, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de trouver la faute de l'employeur qui est proportionnelle comme avant, parce que ça passe devant un juge qui, lui, va qualifier la gravité de la chose et mettra en proportion une indemnité, comme ça se passe au civil. Donc ça va être balayé. Et cette rupture conventionnelle, elle fait que maintenant, c'est nous, à travers les cotisations pour ceux qui sont en ARE, ceux qui touchent le droit au chômage, ou à travers le RSA qui est payé par nos impôts. Donc là, il y a des abus. Et d'ailleurs, les ruptures conventionnelles se déploient. Et ça, c'est à nos frais. Bon, je vais m'arrêter là pour ça. Myriam, ça serait la dernière intervention. Après, on va faire une petite pause musicale et on prendra l'appel du camarade lycéen. Okay, bah, juste parler peut-être justement des apprentis, etc., qui, eux, pourront travailler beaucoup plus quand ils sont mineurs. Actuellement, c'est 35 heures par semaine, 8 heures par jour. Et s'ils veulent travailler plus, ou si le patron veut qu'ils travaillent plus, il faut l'accord de l'inspection du travail. Or, maintenant, juste avec un accord d'entreprise, et encore, en fait, ils pourraient juste travailler 40 heures par semaine, 10 heures par jour, ce qui est juste énorme parce que, enfin, d'un côté, ils sont salariés et ils travaillent, mais d'un autre côté, ils ont aussi les cours, ils ont aussi des devoirs, même si parfois c'est interdit. Ils doivent quand même en rendre. Et voilà. Et enfin, c'est super fatigant aussi de travailler en parallèle des cours, comme beaucoup d'étudiants à la fac le font, en tout cas à Paris 8. Voilà. Et en général. Voilà. La sélection sociale, ouais. 10 heures par jour, c'est le maximum que peut travailler normalement un majeur dans une entreprise dans certaines conditions. Mais je vois, par exemple, là où je travaille, je sais que les apprentis, ils font. Il y a certains apprentis, ils les font déjà travailler 40 heures par semaine, ouais. Tu vois. Et en fait, c'est un peu l'exception, mais ça va devenir la règle, quoi. Je sais pas comment dire. Bah, c'est un peu légaliser un truc qui est illégal. Bah, dans la restauration, c'est beaucoup fait, en tout cas. Ouais. Pour les apprentis. Faut bien se rendre compte qu'avant, c'était nécessaire que l'inspection du travail donne son accord pour que l'apprenti travaille jusqu'à 10 heures par jour. Maintenant, ce ne serait plus le cas. Mmh. C'est-à-dire que c'est une perte de protection énorme pour tous les apprentis mineurs. Ok, bah je vous remercie. On va se faire une petite pause musicale et tout de suite après, on va revenir sur la mobilisation, la construction de la mobilisation contre la loi travail. Demain, on le rappelle, il y a une grève générale qui est partie d'un appel sur Internet, de cette pétition aussi. On vous le rappelle, donc je ne sais plus le site Internet, mais il y a une pétition qui a été signée. Change.org. Redis-moi. Change.org. Change.org. La pétition s'appelle « Non à la loi travail ». Ok. Et du coup, vous pouvez la signer encore si le cœur vous en dit. Il y a aussi un hashtag, on veut au mieux que ça. Le hashtag grève générale aussi, vous pouvez suivre un peu tout ce qui se passe. Et donc voilà, on va se faire une petite pause musicale et tout de suite après, on reviendra sur les mobilisations secteur par secteur, dans les lycées, dans les facs, dans le public, dans le privé, dans le commerce, à la RATP, à la Poste, etc. Ok, c'est au fond près du radiateur, tous les mardis, 19h-20h30, fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, gardez l'écoute. It don't know Malibu. Good like that. Ready FPP. Up, up, up. We up. Steer. Boom, boom, boom. Moi maintenant, je peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. D'abord faire aimer le travail. Aimer, aimer, aimer le travail. Aimer le travail. Aimer, aimer, aimer le travail. Aimer le travail. Que je dise merci. discours qu'on souhaite entendre aujourd'hui. Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, c'est l'émission Au fond près du radiateur, tous les mardis 19h-20h30. On vient de s'écouter un son de Deba Mix sur la grève générale, donc voilà, on est dans le sujet, demain grève générale. Rendez-vous à 11h à République, à 12h30 devant le MEDEF, école militaire, et à 11h à Nation, excuse-moi, à l'appel des lycéens. 14h République et 12h30 devant le MEDEF aussi. 11h c'est bien aussi à République. On sera partout de toute façon, on va tout bloquer. Voilà, là maintenant on voulait faire un peu, on parlait de cette loi, pourquoi cette mobilisation. Là on voulait faire un peu le tour par secteur, qu'est-ce qui se passe. Et tout de suite on va prendre Gus, qui est lycéen et qui fait partie du mouvement Interlutte Indépendant. Et du coup Gus, tu nous entends bien? Oui, je vous entends les gars. Merci d'être avec nous ce soir. Bah, donc vous appelez notamment à des blocages un peu partout. Donc vas-y, je te laisse la parole, explique-nous ce qui se passe demain quoi. Bah effectivement, donc nous on appelle à bloquer contre la loi El Khomri. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus parce que ça a déjà été suffisamment fait. On se bat contre la précarisation de nos vies parce que donc des facilitations de possibilités de licenciement. Et donc du coup, on appelle les lycéens et étudiants à bloquer leur fac et leur lieu de travail et même se mettre en grève et en fait se réunir du coup pour manifester à 11h à Nation, donc du coup dans un cortège, parce que nous, dans cette loi, on sent que la jeunesse, on est les premiers touchés, puisque la jeunesse, ça nous force à nous mettre dans des galères, qui sont déjà le cas dans le monde du travail. Et tous les jeunes, du coup, on va se retrouver soumis à une pression, et c'est pour ça qu'on a l'intention de se battre contre cette loi. Et du coup, toi, tu es dans quel lycée? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Raconte-nous un peu, quoi. Comment faire aussi si on est dans un lycée et qu'on a envie de se bouger, tout ça? Déjà, pour le lycée, on a fait les appels dans tous les lycées. Il faut savoir que nous, on veut impulser le mouvement et qu'on est pour un mouvement autonome, dans le sens où on a appelé à former des comités autonomes dans chaque lycée. Nous, c'est ce qui s'est fait dans mon bahut. On s'est réunis en AG lundi et normalement on va bloquer demain. Après il y a des aléas, c'est-à-dire on a quand même les présences policières qui sont galères à anticiper puisqu'on ne sait pas du tout comment réfléchir par rapport à ça. Je te remercie. Est-ce que tu veux rajouter encore un truc? Non, c'est tout ce que... Non, bloquez vos lycées et vos facs demain. Et ouais, un peu, quel lycée? Tu peux nous annoncer un peu les lycées, ou alors on laisse la surprise à la police demain ou, Lycée, y a Dorian, il y a Voltaire, il y a... Non, on va laisser la surprise à la police demain, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de lycées. Ça peut être vraiment une vraie mobilisation qui peut se lancer, lancer une vraie prise de conscience chez les lycéens et étudiants. Ok, donc toi, tu es au mouvement Interlutte Indépendant, c'est quoi? C'est donc mouvement Interlutte Indépendant, donc c'est un mouvement qui s'est formé c'est un collectif qui s'est formé il y a 2 ans, où on est donc du coup essentiellement lycéens, étudiants et jeunes, et en fait on veut proposer une alternative militante, enfin qui est autre que les partis ou les syndicats, qui pour nous ne correspondent pas à des réalités, et proposer donc du coup un collectif qui est moins formel que peut l'être. Que peuvent l'être les autres, et pour ainsi rassembler les lycéens et pour monter un réseau. Ok, franchement, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Donc, il y a aussi un Facebook, Mouvement Interlutte Indépendant, si on veut vous suivre. Un Facebook et un Twitter. Ok. Bon, merci, et puis bon courage pour demain. Merci. Donc, tu rappelles 11h à des blocages donc, partout, ouais, et 11h à Nation pour un départ en manif. Ok, je te remercie. Ok. Du coup, vu qu'on parle un peu de la mobilisation de la jeunesse, on peut parler maintenant de Paris 8 et Paris 13, notamment ce qui se passe là-bas. Peut-être, comme vous voulez, on a Antonio de l'UT de Bobigny qui est là, il y a Myriam et Victor de Paris 8. Donc, comme vous voulez, qui veut commencer? Sur Paris 13 Bobigny, ce que je disais, on a tout à faire, donc on essaie de sensibiliser un maximum d'étudiants. C'est pas simple parce qu'à la fac de médecine, l'IUT, les gens sont très peu informés sur ce qui se passe. Donc on essaie un maximum de les sensibiliser. Après, nous, de notre côté, on essaie aussi de créer des ponts aussi avec Paris 13 Villetaneuse, Paris 8 Saint-Denis, histoire que les choses se font ensemble. Il y aura un plus gros poids. Donc l'IUT, attends, pour être bien clair, c'est pas une fac de médecine, hein. Toi, l'IUT, okay, il y a aussi la fac de médecine qui est à côté, en fait. Donc, l'IUT, vous étudiez quoi? Nous, on fait, enfin, il y a le DUT, il y a plein de choses qui se font aussi sur place. Donc, on essaie de créer le lien entre tout ça. Et voilà, quoi. Donc, demain, c'est pareil, c'est 12h30 devant le hall de l'illustration. et 13h à Pablo Picasso avec tous les lycéens de Drancy et de Bobigny. Et ensuite, on bouge à République pour manifester. Ok. Bah, je te remercie. Hein. Et Paris 8, alors aujourd'hui, grosse journée. Bah ouais, aujourd'hui, on a fait notre première AG. Donc, on était à peu près 500. 700 selon la police. Hein. 150 selon l'IB. Oui. Et oui, on était pas mal. On voyait qu'il y avait des gens qui... Enfin, on en voulait tous un peu, quoi. On a voté la grève reconductible jusqu'à la prochaine AG. Donc, jeudi. Demain, on a rendez-vous à 12h30 devant la fac ou dans la fac, ça dépend. Enfin, voilà, à l'entrée, quoi. Et qu'est-ce qu'on a voté ? On a voté le retrait de la loi, c'est ça. Ouais, on a voté le retrait de la loi. C'est pas l'amendement, quoi. C'est le retrait total de la loi. Nous, on s'est mis en grève en tant qu'étudiants. Mes parents qui m'écoutent, voilà, comme ça, vous savez que je suis en grève. Et qu'est-ce que je veux dire ? Sinon, ce qu'on a voté, non, ce qui était intéressant, c'était de voir que, voilà, une première AG pouvait réunir autant de personnes. Ça, c'était vraiment intéressant. Autant de personnes qui ont voulu prendre la parole, qui ont voulu s'exprimer. Et on voit que, notamment par le biais du hashtag On vaut mieux que ça, les jeunes sont vraiment en première ligne de cette précarisation du monde du travail et de cette situation hyper précaire dans laquelle beaucoup de salariés vivent aujourd'hui en France, et notamment beaucoup de jeunes. Donc ça, c'était un premier point qui était intéressant. Ensuite, ça va monter, la sauce va monter, c'est clair. Demain, on met en place un barrage filtré, on appelle ça comme ça, à l'entrée de la fac, dès 9h. Dès 8h30, ouais, t'as raison, je suis pas du matin, du coup, j'essaye de repousser l'échéance. Mais... Et donc la sauce va prendre, et on sera nombreux, en tout cas, en cortège... à la manifestation, cortège unitaire, c'est-à-dire sans signe distinctif de syndicat ou quoi que ce soit, juste sous la bannière Paris 8 à partir en manif. Vas-y, Olivier de la Poste. J'aurais juste une question. Une AG de 500 ou 700 personnes selon les comptages, c'est vraiment important. Vous avez ramé, ça s'est passé comment ? Est-ce que les gens sont venus facilement ? Comment ça s'est passé ? Bah, au début, ça a été un peu compliqué, ça a été un peu long de la mettre en place. Mais après, une fois que c'était parti, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais il y a énormément de gens qui voulaient parler. Ça a duré 3 heures et demie. Donc, on a eu bien le temps de parler quand même. Non, franchement, moi, je trouvais que ça allait. Enfin, on avait... Juste une question aussi pour savoir, est-ce que les profs sont avec vous, ouais. Se sentent concernés? Ouais, carrément. Ça dépend des départements, ça c'est clair. On a un prof avec nous, bon, qui est à Nanterre, mais qui était présent à l'AG de tout à l'heure, donc il pourra s'exprimer. Là-dessus, ouais, par exemple, le département de sciences politiques et de philo aussi, ça je ne savais pas. Et en tout cas, le département de Sciences Po est en grève demain. Et c'est étonnant de voir autant de gens comme ça qui viennent et qui sont présents à une AG. Par exemple, au mois de septembre, octobre, il y a eu un mouvement un peu qui a essayé d'être lancé au sein de Paris 8 sur la question de, je ne pensais pas à ça, mais la précarisation des conditions d'études. On a fait 3-4 AG, on dépassait rarement les 250 personnes. Même au bout de 2-3 AG, c'était difficile de faire décoller le truc. Là, première AG, on est 500, tout le monde veut parler, tout le monde a la niaque. On part en comité de mobilisation pendant 2 heures après. Ça veut dire qu'on enchaîne 6 heures de politique et on se retrouve à 50-60 en comité de mobilisation. Donc c'est intéressant pour un début. Donc comité de mobilisation, c'est un peu le comité qui va organiser, en fonction des décisions de l'Assemblée générale, exact. Qui va organiser la grève, quoi. Ouais. Vous organisez en comité comme ça. Toi, t'es prof aussi, donc c'est quoi ton nom ? Excuse-moi. Ouais, Simon. Salut. Simon, bienvenue. Hein. Merci. Donc, vas-y, si tu veux prendre la parole un peu. Écoute, ouais, bah moi, je suis donc vacataire, donc ce qu'il y a de plus précaire à l'université, hein, à Paris 8. J'enseigne en sociaux et bon, je suis venu un peu en auditeur libre à Paris 8 et c'est vrai que, on constate quelque chose qui prend, quoi, vraiment un truc d'ampleur. Tout le monde le dit, ça se sent. Il y avait des profs, il y avait de tout, c'est-à-dire des étudiants, des enseignants précaires, des enseignants installés. de pas mal du FR, mais surtout sociaux, philo. Et ce qui ressortait, c'est que les qui ont de la bouteille, qui connaissent un peu les AG, ils disaient que ça, pour une première AG, c'était quelque chose. Ça veut dire qu'on est quand même face à un mouvement étudiant qui va aller... Enfin, par exemple, pour replacer ça dans un contexte historique, il y a 10 ans, c'était le CPE. Il disait que les premières AG de CPE... Juste pour rappeler, le CPE, c'était le contrat première embauche donc, qui avait été proposé par le gouvernement Chirac et en fait qui était compris dans la loi pour l'égalité des chances, qui a notamment créé des zones franches en banlieue aussi. Donc plein de choses. Donc il y avait un mouvement en réalité contre la loi de l'égalité des chances dans laquelle il y avait le CPE. Bref, c'est un gros mouvement étudiant, salarié et tout ça qui a obtenu au final le retrait du CPE, donc des mobilisations étudiantes, des occupations d'université, des grèves avec des millions de personnes dans la rue. Juste exactement, pour recontextualiser. Ouais, bien sûr, et du coup, par rapport au démarrage de ces événements il y a 10 ans, on assiste à quelque chose qui est au moins aussi grand et qui a été souligné par certains comme étant plus grand. Et la deuxième différence, enfin, quelque chose qui était vraiment frappant aujourd'hui à Paris 8, c'est la volonté d'être non aligné, c'est-à-dire de ne pas avoir de syndicat forcément au-dessus de sa tête. De pas avoir de... Non, mais c'est une différence parce que je pense que c'est symptomatique et c'est surtout un peu... Ça témoigne de notre époque, c'est-à-dire que la pétition qui n'a pas de couleur politique, le hashtag qui n'en a pas non plus, c'est des choses qui marchent très, très, très bien. Donc, pour notre génération, c'est clair que c'est... Enfin, on est précaire, c'est sûr, mais on est aussi réticent. On est aussi réticent à se mettre derrière des banderoles et on est un peu suspicieux de ce genre pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais on est suspicieux à la fois des partis et des syndicats traditionnels. Il y a des bonnes raisons d'être suspicieux, notamment envers l'UNEF qui a trahi plusieurs fois les mobilisations. Le principal syndicat étudiant et qui est lié au Parti Socialiste, donc au gouvernement en place actuel qui a pondu cette loi-là. Et donc, ils ne sont pas très crédibles quand ils parlent, qu'ils disent qu'ils sont contre cette loi, alors qu'on sait qu'historiquement, ils sont liés à ce parti, quoi. Donc, en tout cas, on a des réticences. Exactement, et dans l'AG de tout à l'heure, ça se voyait, les prises de parole de l'UNEF étaient plutôt sifflées, mais même les syndicats, les autres syndicats, je veux dire, le but de, et ça a été souligné, le cortège Paris 8, il sera unitaire, il n'y aura pas de drapeau, le but c'est quand même de rester sur un mouvement citoyen, et on aura sûrement le temps d'y revenir plus tard dans l'émission, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important de souligner, parce que ça va sûrement marquer le mouvement tel qu'il se dessine aujourd'hui. Loïc, tu travailles à la mairie de Saint-Denis, tu voulais prendre la parole un peu ? Ouais. Donc tu es au syndicat Sud ? Ouais, je suis au syndicat Sud. Je rejoins ce que disent les étudiants sur l'organisation du mouvement. Moi, ça ne me dérange absolument pas, sachant que nous, même moi, en tant que syndicaliste, je peux aussi avoir des désaccords sur les réunions intersyndicales, notamment qui a eu lieu, là, je ne sais plus, la semaine dernière, avec la CFDT, etc. Enfin, on n'a pas à négocier avec eux, on sait très bien ce qu'ils pensent, etc. Et donc c'est vrai que là-dessus, c'est bien de donner un coup de pression de la base. Et c'est ça qui compte au final, et c'est ça qui va compter, je pense, sur le long terme. Ça va être ce qui va émerger de cette base en termes de revendications, en termes aussi d'analyse, faire quelque chose de populaire et de collectif, pas quelque chose pour se valoriser par rapport à tel autre syndicat en élection. Franchement, moi, en tant que syndicaliste à la mairie de Saint-Denis, c'est important, il y a le CHCT pour le comité d'hygiène et tout, etc. Mais je me suis aperçu que quand même, on rentrait vachement dans la concurrence, parce que quand même, il faut rappeler qu'à la mairie de Saint-Denis, on est sous notre employeur, il est au front de gauche, donc on n'est pas non plus encore avec un maire UMP ou PS quand même. Et on voit que quand même, on se repose un peu sur nos lauriers. Donc nous, au niveau local, par exemple, pour les intersyndicales, c'est très dur. Donc moi, en tant qu'animateur, quand il y avait la réforme des rythmes scolaires, j'avais essayé d'impulser un collectif. Et les gens, ils avaient du mal quand même aussi à y croire. Donc moi, j'encourage tout à fait cette forme de mobilisation. Juste pour dire, réforme des rythmes scolaires, c'était... en fait, on éclatait l'accueil, le travail des animateurs. Donc avant qu'ils travaillaient tout le mercredi, ils travaillaient plus que les mercredis après-midi. On allait les faire travailler un peu le matin pour l'accueil, un peu le midi. Entre les deux, ils rentrent chez eux. Et puis surtout, pour les enfants. Parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'école et le rythme de l'enfant à l'école, c'est un vrai problème de société. Hein. Les enfants des 3 ans, on fait ce constat-là, il y en a, ils sont fatigués parce qu'il y a des inégalités sociales derrière. Et donc l'école, elle doit être là non pas pour reproduire les inégalités sociales, mais bien pour pouvoir justement mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, ce qui n'est pas du tout le cas. On va donner la parole à Olivier et Stéphanie de La Poste aussi. Qu'est-ce qui se passe à La Poste demain ? Vous êtes en grève ou quoi ? Comme enfin, j'ai dit tout à l'heure, oui, ça sera inégalement suivi, suivant les équipes, le moral des équipes, des syndicats, et ça sera très, très disparate sur le territoire. Il y a des équipes qui sont à fond sur demain et qui feront sortir du monde et qui mettront des gens dans la rue. D'autres, ça sera beaucoup moins le cas. On verra bien, voilà. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui font le boulot. Il y a un truc surtout dont je voulais un petit peu parler, c'est on a le sentiment... Les gens, le commun, on peut avoir le sentiment, le code du travail, les lois, tout ça, c'est un petit peu abstrait. On ne voit pas très bien concrètement d'où ça vient tout ça. Tout simplement, les lois sont issues de, enfin, moi, je dirais, hein, de contradictions et de rapports de force dans la société. Il y a tout simplement un truc, voilà, quand on signe un CDI, la période d'essai, elle est de 2 mois. Vous savez pourquoi elle n'est pas de 2 ans? C'est parce qu'il y a 10 ans, il y a eu justement le contrat première embauche qui prévoyait que la période d'essai soit de 2 ans, ce qui signifiait de la précarité à vie. Cette loi qui avait été promulguée par amendement 49.3, donc à l'époque, je me souviens qu'on hurlait à la mort, je crois que c'était une des premières fois où le 49.3 avait été utilisé, et ça faisait gueuler, hein, ça faisait bien gueuler. Le 49.3, en gros, ça permet au gouvernement d'imposer une loi sans débat. C'est un amendement de la Constitution qui permet de promulguer une loi, de faire passer une loi, sans qu'elle passe par le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement. Voilà. Donc en gros, ça, on avait beaucoup gueulé là-dessus à l'époque. Voilà. Mais bon, enfin, toujours est-il que cette loi, elle avait été promulguée, qu'elle existait. Et qu'il était donc légal qu'une période d'essai dure 2 ans. Bon, on l'a foutu par terre. Et pourquoi on l'a foutu par terre? Parce que justement, par centaines de milliers, par millions même, eh ben, y a des jeunes voilà, qui ont bloqué leur fac, qui sont descendus dans la rue. Ce mouvement a débordé, a imprégné les entreprises. Où moi, je me souviens que les journées d'action, il n'y a pas eu de grève reconductible dans la plupart des boîtes. Mais malgré tout, sur les journées d'action, il y avait des gros pics de grève avec beaucoup de gens qui arrêtaient le travail et qui descendaient dans la rue avec les jeunes. Voilà. Et cette loi, on a réussi à la foutre en l'air, le contrat première embauche. Voilà. Alors donc, là, il y a la loi travail, la loi El Khomri. Alors moi, je vois, il y a plein de collègues, pareil, c'est un petit peu qu'est-ce qui va se passer, voilà, est-ce qu'on va gagner tout ça, avec beaucoup, évidemment, la résignation, le pessimisme qu'on connaît chez beaucoup de gens, qui disent, de toute façon, le gouvernement passera en force, voilà. Ben non, on peut toujours gagner, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Voilà, ce qu'un Parlement a voté, la rue peut le défaire. Hein, je sais plus, j'ai vu ça sur des autocollants, je crois que c'était Allo, il me semble. Et ce qu'on voit, c'est que donc il y a eu l'intersyndicale merdeuse, l'interconf merdeuse, je crois que c'était le 26 février, qui avait donné aucune consigne de mobilisation, qui disait simplement on se revoit le 3 mars pour redécider. Pendant ce temps, on discute avec le gouvernement. Dans ce laps de temps, donc, il y a eu pas mal. Il y a eu donc les appels à la grève à la SNCF, à la RATP. Et ensuite, ça a quand même déclenché un petit truc, parce qu'on a eu l'état d'urgence voté par toute l'Assemblée nationale, la déchéance de nationalité. 49-3. Le 49-3, les camarades d'Air France, de Goodyear, un petit peu trop, c'est trop. Et c'est vrai que là, depuis que Hollande il est passé, on n'avait pas eu de grosse mobilisation. Quand il y a eu cet appel chez les cheminots et à l'ARTAP, c'est vrai que là, on a vu, enfin, sur les médias indépendants et sur les réseaux sociaux, c'est la RATP. La RATP, pardon. Cette expression. Excusez-moi, la RATP, oui, c'est vrai. On a vu plein de structures syndicales, la plupart du temps CGT, c'est vrai, qui ont commencé à appeler à la grève sur le 9 mars. Et le 9 mars, pourquoi? C'était la présentation de la loi El Khomri, dite loi travail, au Conseil des ministres. Donc c'est reporté dans 2 semaines pour faire plaisir à la CFDT. Sans doute, il y aura 3 cacahuètes qui seront concédées à la CFDT, qui dira que tout est bien. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je vois, c'est que c'est vachement encourageant ce qui se passe. La semaine dernière, j'étais à une AG de fac, c'était à Lille 3. Il y avait 400 personnes, donc avec Michael Vamen et un syndicaliste postier. Voilà, et donc... Vamen, il était à la CGT Goodyear. Donc c'est lui qui a mené la lutte pendant plusieurs années contre la fermeture, qui a pris des années de prison. Voilà, tout à fait. Michael Vamen est un des 9 condamnés à 9 mois de prison pour avoir soi-disant séquestré, torturé horriblement leurs dirigeants. Voilà. Et donc voilà un meeting où justement il y avait cette jonction. Demain, par exemple, nous, des postiers des Hauts-de-Seine, on ira sur la fac de Nanterre. On sait qu'il y a une AG qui est à 11h30, je crois, il me semble. Voilà. Et en gros, bon, je suis un petit peu long. Voilà. Julien, je voulais juste prendre une grosse distance là parce que ce qui se passe, c'est la démocratie directe et le besoin de démocratie directe, c'est ce qu'on entend tout ici. On sait très bien que les partis politiques ne sont plus représentatifs. Il s'agirait qu'on se rende compte. En gros, il nous reste 5-10 minutes d'émission. Qu'on n'est pas en démocratie, qu'on l'a jamais été. que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas représentatif. Ce qui se passe là, c'est une vraie occasion de faire du politique. Ça fait des années qu'on en parle, qu'on pense du politique, qu'on montre du politique. En plus, on est français, donc on a tendance à être à prendre beaucoup de choses là-dessus. Voilà, ah, il est urgence à faire de la politique. Et demain, c'est ce qu'il faut commencer à faire. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui essayent des choses, il y a des ateliers de constituantes qui se font. Il y a un code du travail qui a été fait expérimentalement par Dominique Méda il n'y a pas longtemps. Très intéressant, comme quoi on est tous capables de faire un code du travail, tous capables de construire la suite. Voilà, faut arrêter de. Voilà, faut commencer ça demain. Et je voulais te poser une question. Vous appelez à la grève demain, donc ça doit pas être évident dans une entreprise privée comme la vôtre. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment vous construisez la mobilisation sur place, comment c'est suivi, est-ce qu'il y a de la répression? Oui, y en a. Alors sur ce coup-ci, ça a été un peu différent dans le sens où ça a été spontané, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment pris le temps de faire le tour de tout le monde. Ça a bien fonctionné. On a eu, et j'ai eu personnellement, des petits emmerdements pour des sorties en grève ou des trucs comme ça. C'est une pression insidieuse qui arrive très vite, même entre collègues qui s'entendent très bien et pour des raisons de survie aussi, hein. Je suis libraire, hein. Il faut savoir qu'un libraire, quand il arrive à gagner 1 500 euros, c'est vraiment que ça fait 15 ans qu'il bosse dans une boîte, hein. Donc voilà, le chantage, on le retrouve là. Si tu fais grève, pas d'augmentation, quoi. Voilà. Une petite dédicace à mon amie Christine, avec qui je me suis retrouvé beaucoup en grève et qui, elle, va rester au travail demain. Alors qu'elle est extrêmement engagée, mais voilà, il y a des jeux que je ne vais pas vous raconter, parce que c'est des jeux internes en entreprise, on les imagine tous. Mais voilà, à un moment, je ne peux pas. Voilà. Et puis, on fait sentir que des postes à responsabilité vont peut-être être plus donnés à celui qui ne sortira pas que celui qui sortira. Donc, et encore, je ne suis pas dans une entreprise qui est la plus violente dans le domaine du tout. Voilà, faut imaginer, mes collègues de la FNAC se font bien écraser sur des trucs de chantage comme ça. Et si cette loi passe, qu'est-ce que ça voudra dire concrètement pour vous, quoi ? Si cette loi passe, mais c'est pour tout le monde. Je pourrais défendre ma branche et dire qu'avec la FNAC et d'autres commerces culturels, on essaie de faire un pôle aussi pour réfléchir à tout ça. Mais globalement, c'est pas nous, c'est tout le monde là. Là, c'est tout le monde, c'est les jeunes, on le voit, on a des étudiants, c'est la classe ouvrière. C'est les retraités, c'est les chômeurs, c'est pas nous, c'est un projet de société et il faut vraiment repenser ce qu'on entend par travail. On parlait des apprentis tout à l'heure, moi je suis salarié, voilà, il faut repenser qu'est-ce qu'on entend par travail et c'est un projet de société là qu'il faut remettre en, qu'il faut collectivement repenser. Et Antonio, ouais. Alors, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, donc il faut aller. Une minute, moi je voulais rappeler une date, donc J-11, donc c'est le 19 mars 2016, 14h Gare du Nord, c'est la journée internationale contre les violences policières. Donc ces temps-ci, depuis bien longtemps même, l'État nous envoie une forme de dialogue qui s'appelle l'uniforme. Donc c'est à nous de faire face, faut pas se taire, c'est important. Nos banlieues, il y a des jeunes qui meurent tous les jours, donc faire attention à ça, faut être présent. Et faut être là, mobilisé et jamais avoir peur, apprivoiser ce côté qu'on peut avoir peur. C'est légitime d'avoir peur, mais en face, il faut aussi qu'on se mobilise et jamais lâcher face à ça. Voilà. Il faut rappeler qu'on est sous état d'urgence encore jusqu'en mai et qu'il faudrait qu'il y ait une jonction entre les luttes sociales et aussi la lutte contre l'état d'urgence. Il y a une manifestation samedi aussi contre l'état d'urgence. Donc voilà, c'est un des enjeux de ce mouvement aussi, de faire les luttes sur les questions sécuritaires. On voit aussi que le gouvernement il va à fond sur... que là, il a fourni des fusils à pompe automatiques à la BAC, des choses comme ça, par exemple, quoi. Et... Donc, ouais, j'ai une dernière question, peut-être pour notamment, ça fait plaisir que vous soyez avec nous ce soir, de voir des militants sur le terrain qui sont combatifs localement. Et en fait, ce que je voulais dire, notamment par rapport à l'intersyndicale, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a eu cette grosse mobilisation sur Internet quand la loi est tombée. On voyait que les gens étaient vraiment chauds et que s'il y avait eu une manif directe, il y aurait eu des millions de personnes dans la rue. Et là, les syndicats appellent à une... les syndicats localement, vous tous qui êtes là, vous appelez au 9 mars, qui est une date qui n'est pas venue des syndicats, qui est venue d'Internet et de la société, enfin voilà, des gens à la base, de la base. Et là, les syndicats appellent à une date le 31 mars. Donc on a l'impression que c'est vraiment fait pour que le truc retombe. Et du coup, c'est pour ça aussi que les gens ont pas la confiance dans les directions syndicales et que l'enjeu est là, mais c'est de construire le truc à la base. Mon étudiant, lui, anticipe l'essoufflement que l'État veut nous faire faire. Et du coup, déjà, on pense juste à jeudi, déjà jeudi 10 mars, pour qu'on fasse un point. Et la semaine prochaine, c'est pareil. On va faire des points réguliers, ouais, des histoire points réguliers, que ça ne s'essouffle pas. Ça va s'enchaîner. Ça, c'est super important. C'est clair. Et je voulais juste dire un dernier mot. Justement, c'était très intéressant ce que tu disais sur la démocratie participative et tout ça. Et il y a rien. Ils sont pétrifiés de peur au gouvernement face à l'ampleur de la mobilisation qui se prépare. Ils vont reculer. On va se mobiliser et ils sont dans la merde. Et il y a rien qui leur fait plus peur, justement, comme tu le disais, que ce soit le peuple qui reprenne la voix et qui se remette à s'exprimer. Et à ce propos. Justement, ce qui symbolise très bien ça, c'est la présence massive des journalistes aujourd'hui à notre Assemblée Générale. Qu'il y ait le Figaro, Libération, qui soit présent pour couvrir cet événement, ça montre que voilà, les nouveaux chiens de garde, comme le très bon documentaire les appelait, les chiens de garde sont présents pour nous garder à l'œil et garder le peuple sous contrôle. Ça vient de Bourdieu, les chiens de garde. Ouais, c'est ça. Donc, un sociologue et tout ça. Je voulais laisser la... Vas-y, Pierre, si tu veux. Tu voulais prendre la parole. Oui, ben, il est évident qu'il faut une convergence. Hein. Je crois que tout le monde est impacté, puisque même certains syndicats ont mis dans la loi ce qui concerne les chômeurs, donc qui n'ont rien à y faire. C'est ce que je rappelais tout à l'heure. Je rappelle aussi la répression syndicale. Ça, il faut vraiment en parler, parce qu'on parle des goudilleurs, mais on ne parle pas du commerce, on ne parle pas de l'intérim. On a un copain qui est en train d'être poursuivi parce qu'il est intervenu justement sur la poste, parce qu'il vous prenait des jaunes pour remplacer les gens de la poste, donc de l'intérim, etc. Donc bref, la répression. Ensuite, je crois qu'il faut aussi insister sur des propositions. Et nous, bon, on peut en faire en tant que syndicat. Bon, je rappelle, c'est symbolique, les 32 heures, etc. Donc ce n'est pas seulement retrait, c'est qu'il faut que ça avance dans le sens d'un code du travail plus simple, en effet, comme je l'ai rappelé au tout début, mais qui soit progressif. C'est-à-dire les 32 heures, par exemple, c'est une illustration. Voilà. Je rappelle quand même que s'ils nous font ce truc ignoble, c'est que le contrat individuel dans un rapport de force défavorable, puisqu'on est en lien de subordination, va tous nous tuer. On a 95% de gens qui sont en CDD, c'est toujours les mêmes volumes d'emplois et c'est toujours les mêmes volumes de salariés. Moi, je suis chômeur longue durée, je peux pas être... C'est normal que là-dessus, même volume de travail, même volume de salariés qui tournent, là, c'est les mêmes à peu près, hein, en intérim, c'est pareil. Et donc, nous, le chômeur longue durée avec un certain âge, on est condamné au chômage. Hein. Faut pas nous prendre pour des cons, il y a d'autres choses à dire. Mais par exemple, il l'a rappelé juste un dernier point de précis, parce qu'il lien entre le détail et le général. Un détail précis, c'est que la loi maintenant, dans le projet, durée raisonnable pour une période d'essai. Moi, quand j'étais jeune, c'était 8 jours pour un OS, c'était 1 mois pour un salarié et 3 mois pour un cadre. Bon. Ça va être sauté. Bon, c'est 2 mois maintenant. Mais... Donc, petit à petit, ils cherchent à nous faire des périodes d'essai qui peuvent être virées. Et je rappelle quand même que c'est un problème parce qu'il n'y a pas équilibre sur la période d'essai. Parce que si c'est toi qui pars, tu n'as pas le droit au chômage. Et nous, on demande qu'il ait un droit au chômage. Parce que s'il y a eu mal donné dans l'offre d'emploi et que le type part parce que ce n'est pas la qualification, ce n'est pas l'objet du travail, ce n'est pas les tâches qui étaient définies en avance, et s'il part, il le perd. Il y a beaucoup d'avancées à faire. Merci. Ok, Loïc ou Julien, vous vouliez prendre la parole ? Ce sera les dernières interventions. Ouais, rapidement, pour dire aussi que dans le service public, va falloir se mobiliser aussi parce qu'il va falloir qu'on récupère des marchés qui sont donnés au privé avec la sous-traitance. Et justement aussi, il y a des travailleurs, moi je veux des emplois d'avenir, ou même des gens qui interviennent sur les structures publiques qui sont concernés par ces lois-là. Donc les fonctionnaires ont intérêt à se bouger aussi. C'est du devoir par rapport à nos droits aussi, justement, qu'il va falloir aussi mettre cette mentalité de droit à l'expression, de sécurité sociale dans la société et la conforter. Ouais, moi du coup, enfin, en nous entendant tous là, je discerne quand même pas mal. Ouais, pardon. Deux tendances qui seraient l'une de se battre pour des droits, effectivement une forme de lutte sociale comme on en a connu historiquement, et une autre qui est de réinventer la politique, de se réapproprier des lieux et tout. C'est ce qui a traversé l'AG tout à l'heure à Paris 8, avec ces deux tendances qui étaient de dire mais si on fait une grève, on occupe, on réaménage, on renouvelle le terme d'autogestion. Puis on rigole et tout. Non, mais sur... ouais, et puis surtout... Ah, si, si on occupe la fac, on rigole. Voilà, faut rigoler. Mais c'est pas du tout antagonique. Mais non, non, non, je dis pas que c'est antagonique. C'est, à mon avis, exactement dans ce qu'on est en train de dessiner ici, c'est-à-dire une coordination de ces deux axes-là, que ce mouvement, il va pouvoir être d'ampleur. Et à mon avis, vous avez posé la question des buts. Le but, c'est peut-être pas forcément simplement le retrait de cette loi. C'est peut-être d'aller vraiment au-delà. Et c'est là où tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est là où cette question des buts, elle va devoir être tranchée par ces deux tendances. On peut se mettre d'accord sur le fait que c'est qu'une demi-victoire de retirer de ce projet de loi. Ce qu'il faut, c'est se battre pour un autre modèle de société. Et dans cet autre modèle, ça inclut les zadistes, les gens qui aussi évoluent avec des formes de vie en ce moment alternatives, les mouvements écologistes radicaux, ce genre de choses. Et ça, ça va fusionner. Le but est de savoir si on ne va pas se mettre des bâtons dans les roues pour fusionner. C'est une responsabilité qu'on a d'assurer cette coordination. Sinon, on en reprend pour 10 ou 15 ou 20 ans. Alexis, ouais, tu voulais prendre la parole ? Ouais, non, bah juste en conclusion, pour dire que demain, à la RATP, il y aura des assemblées générales dans tous les établissements de l'entreprise. Donc on verra quelle suite les salariés veulent donner à la journée du 9 mars. Et pour rebondir sur ce que disait Antonio, il faut bien comprendre que la hausse du niveau de violence aujourd'hui, c'est l'une des dernières manières pour le capital et pour l'État de sécuriser la rentabilité du capital. Donc le trait d'union entre les mobilisations contre la loi travail et les mobilisations contre l'état d'urgence, eh ben, il est tout trouvé, quoi. Ouais, franchement, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir ou quoi. Juste un petit rappel de la manif. Ouais, bien sûr. Demain. Vas-y. Voilà, rendez-vous à 11h à Nation pour ce qui est mouvement lycéen et tous ceux qui sont chauds demain matin. Enfin, demain matin, 11h, c'est... Voilà. Sinon, 14h, République, il faut être nombreux, il faut leur faire lâcher l'affaire. Et il y a des AG dans la plupart des facs à midi avec un départ enchaîné. À Paris Nanterre. 10 notamment, ouais, à Nanterre. Ouais. Midi et demi devant le MEDEF aussi. Donc voilà, il y a un programme chargé demain. Donc ouais, franchement, merci d'être avec nous. Et franchement, bah, vive la grève générale. Ok, bah, un peu de musique et on va passer au dernier sujet de cette émission au fond près du radiateur. On est jusqu'à 20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Ensuite, ça sera l'émission Dooboot. On va parler tout de suite du code du travail en Palestine, donc qui est vraiment un code du travail d'apartheid, où qui est une inégalité entre citoyens palestiniens et ceux qui ont pas ceux qui ont la nationalité israélienne et ceux qui ne l'ont pas. Donc voilà, il y a aussi une semaine internationale de mobilisation qui s'appelle Israël Apartheid Week. On va parler tout ça après une pause musicale. Donc si tu peux mettre Nautilus Lab, Robinson et tout, et c'est un son, c'est des camarades de Saint-Ouen, et voilà, un groupe de rap de Saint-Ouen, on kiffe, on fout la demeure. Nautilus Lab, FPP 106.3. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous. Enculé. Patron, c'est pas bien, les comptes sont pas bons. On se torche la demeure avec ton plan de restructuration. Eh le boss, tu veux qu'on te crosse? Viens ici. Où sont les sous? Bouche les issues, on a un souci. Quoi de plus normal que de réclamer son dû? Les temps sont durs et aujourd'hui on parle de fermeture. Y'a du monde sur la sellette. Où sont passées les pépettes? Il se pourrait que ça craque dans les têtes. Une étincelle et ça pète. Donne ma part et arrête ton vice. Rappelle des associés délocalisés avec nos bénéfices. Tu veux nous foutre dehors? Notre oseille s'exporte. Que fort, on va cabosser, bloquer les portes. Le patron a fait le con, l'usine est occupée. Pas de pognon, les portes restent bloquées, le parking assiégé. La barricade s'est montée, choisis ton camp. Y'a que deux possibilités, t'es de quel côté? On est des fous, c'est pas ce qu'on pourrait te faire. T'es marqué au fer rouge, on joue la demeure. On s'en fout, on se passe de tes commentaires. Ferme ta bouche, on joue la demeure. On est des fous, c'est pas ce qu'on pourrait te faire. T'es marqué au fer rouge, on joue la demeure. On s'en fout, on se passe de tes commentaires. Ferme ta bouche, on joue la demeure. Donner le permis, j'y ai mis mon salaire. Passe le papier rose papy, ta tête embrasse le parterre. J'pète un cap, t'es malade, j'lâcherai pas l'affaire. Arrête tes salades, bonhomme, ou on t'enterre. Allez coche P4 ou j'vais te faire la misère. En gros j'fuck le service militaire. J'suis un fou, je t'éclate et je chie sur ton bureau. Si tu fais pas ce qu'il faut, respect aux jeunes et aux anciens, aux sœurs et aux frères. Ils se laissent pas faire qu'ils luttent et qu'ils foutent la demeure. Faucheurs d'OGM aux révolutionnaires, même à ceux qui fauchent parce que c'est trop cher. T'as l'air en colère, pas que, mais t'es pas le seul. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste de notre côté en galère. Une pensée, un phrasé pour que tout soit clair. Un son insolent pour fédérer ceux qui sont déter. On est des fous, tu sais pas ce qu'on pourrait te faire. Te marquer au fer rouge, on joue la demeure. On s'en fout, on se passe de tes commentaires. Ferme ta bouche, on joue la demeure. On est des fous, tu sais pas ce qu'on pourrait te faire. Te marquer au fer rouge, on joue la demeure. On s'en fout, on se passe de tes commentaires. Ferme ta bouche, on joue la demeure. Pour tous ceux qui nous disent quoi faire, sous prétexte de leur grade, on les laisserait faire. Mais ouais, c'est ça. Situation crise, on se passera de toi, c'est clair. Des ordres au bout d'une corde, reprendre nos affaires. À qui on a laissé le pouvoir de décider à notre place. Mettre de pèse de tous au profit d'une classe politique ou financière. C'est la guerre économique, mon frère. Ça se bat pour un bout de terre, du pétrole et des pierres. On nous pousse à bout, mais qui réellement fout la demeure. Dans la sécu, y'a un trou. Pour président, y'a un fou qui s'augmente quand t'es dans la demeure. Quand je viens pour du boulot, on me dit: monsieur, c'est pas possible, vous n'avez pas les compétences. Ça me donne envie de foutre la demeure. Tu permets même d'écorcher mon nom, rigoler sur mon nom avec tes potes. Et ça, ça ne date pas d'hier. Me faire boire auto au guichet pendant que t'es au téléphone, ça me donne envie de tirer ta crinière. Collègue de taf, quand tu poutes à vos boss pour te valoriser. Un jour ou l'autre tu l'auras dans le derrière. Je lève mon verre à ceux qui sont comme nous. Ceux qui veulent pas se faire contrôler comme des tombeaux. Pour ceux qui sont pas en accord avec l'État, avec les lois. Pour ceux qui foutent la merde des prônes avant d'État. Pourquoi c'est la crise, bro? Si d'après l'État on est tous libres, égaux et de la même familia. On veut notre part du gâteau, va savoir ce qu'on est prêt à faire pour ça. Avaler ce mon commando est paré au combat. On est des fous, c'est pas ce qu'on pourrait te faire. Te marquer au fer rouge, on joue la demeure. On s'en fout, on se passe de tes commentaires. Ferme ta bouche, on joue la demeure. On est des fous, c'est pas ce qu'on pourrait te faire. Te marquer au fer rouge, on joue la demeure. À tous, de retour à l'émission Au fond près du radiateur 106.3 FPP. Avec Raphaël, Robinson à la technique et nos invités de tout à l'heure. La loi El Khomri, dont on a débattu un petit peu et dont on a vu les effets que ça donne à peu près sur les gens. On espère que bientôt un nouveau projet sociétal sera au cœur des gens et ça mettra en effervescence pour lutter et tout ça, parce que c'est le plus important, et pas les champs de bataille imposés par le politique ou le patronat qui n'a eu de cesse que de faire ça depuis des décennies. En fait. Du coup, on va aborder vite fait la Palestine. Il y a deux événements importants, dont un qui se déroule en partie à Paris 8, qui est l'Israël Apartheid Week, qui a été initié en 2005 par la société civile palestinienne. Et c'était en rebondissant sur un discours du secrétaire général d'État à l'époque des États-Unis, John Kerry, qui disait qu'Israël serait à terme un État d'apartheid. Il y a eu un tollé politique sur le mot apartheid, en estimant que la belle démocratie israélienne qui était au Proche-Orient était la seule et qu'elle n'était certainement pas de type apartheid. Ce qui distingue un État d'apartheid d'un autre, on rentre souvent le critère racial, qui serait d'apparence ou sur un critère de couleur de peau ou sur un critère ethno-culturel. Or là, il se déroule sur le terme de juif et non-juif. C'est ce qu'affirme l'État israélien qui se fonde comme étant un État juif. Ces syndicats promeuvent le travail juif et pas le travail des non-juifs. Donc si tu n'es pas juif, apparemment, on ne prend pas ta défense. Et la loi est souvent discriminatoire envers les non-juifs en Israël, où les difficultés pour les Palestiniens pour travailler sont également énormes. On sait qu'avant 1994 et qu'avant les accords d'Oslo, il y avait pas mal de populations des territoires occupés, ou de Cisjordanie, ou de Palestine intérieure, qui pouvaient aller travailler en fait, dans les entreprises ou pas. Mais du fait des bouclages, de la loi militaire et tout ça, beaucoup de difficultés. Les checkpoints qui sont une misère pour l'ensemble des Palestiniens, et notamment pour les travailleurs, pour pouvoir se rendre à un point de travail. Et aussi la concurrence économique du coût du travail, où Israël se voit préférer à importer une main-d'œuvre étrangère à moindre coût que de se prendre la tête avec des Palestiniens qui coûtaient déjà pas cher en fait à l'époque. Et donc l'Israël Apartheid Week, c'est beaucoup de conférences et de colloques ou de sensibilisation, notamment au sein de facs, sur le côté apartheid d'Israël et sur la ségrégation faite envers les Palestiniens et envers d'autres, à savoir que la ségrégation ne concerne pas seulement les non-juifs, mais même chez ceux qui ont la citoyenneté israélienne et du coup reconnue comme juifs, elle se pratique également. Les juifs de couleur noire, par exemple, sont souvent extrêmement discriminés et ont souvent les tafs les plus ingrats dans la société israélienne. Et il y a une espèce de pyramide ou de hiérarchie d'ordre racial ou ethno-culturel qui place le noir en dernier, juste au-dessus l'Africain du Nord, juste au-dessus l'arabe palestinien ou yéménite ou ce qu'on veut, et ainsi de suite, jusqu'à l'européen blanc, si possible, d'origine slave ou turco-mongole, ou germaine ou latine. Peut-être que notre camarade ici présent voudrait faire un point pour annoncer l'événement qui est sur Paris 8, avec, il me semble, un journaliste de Black for Palestine. Alors, je ne suis pas super, super au courant sur ce point-là, mais je sais que oui, lundi, donc à partir de 18h, il va y avoir un film qui sera fait, une discussion avec une réalisatrice et deux autres personnes qui vont venir. Donc il y en a un qui doit sortir de Palestine, donc il ne faut pas dire son nom. Mais oui, il va y avoir une discussion et un débat par rapport à ça, justement. Ok. On voit qu'il y a aussi un nouveau... Attends, juste pour dire aussi qu'il me semble que la fac veut interdire l'événement. Oui, ouais. On avait fait une demande pour... Et c'est pas la première fois qu'ils censurent des trucs sur la Palestine qui devait se tenir à Paris 8. Donc on rappelle Danielle Tartakovsky, la présidente de la fac, qui est soi-disant proche du mouvement social, au front de gauche, tout ça. Donc qui, chaque fois, essaie de casser les événements sur la Palestine en disant ça entraînerait des problèmes de sécurité. Il y aurait eu des menaces de mort qui auraient été faites par... un collectif, et enfin, en fait, du coup, il y avait une conférence en fait en décembre, et suite à ça, ils ont apparemment reçu des menaces de mort. Et du coup, pour des raisons sécuritaires, ils refusent de faire l'Israël Apartheid Week dans la fac. En fait. Mais déjà avant cet événement, ils refusaient de le faire, donc c'est un peu bidon, quoi. Enfin, souvent, c'est juste une excuse, quoi. En fait, souvent, dans les facs, que ce soit Paris 8 ou Tolbiac, tu as souvent des refus du président de l'université pour organiser des événements qui sont liés ou aux violences policières ou à la Palestine en l'occurrence. À Paris 8, on est assez rodé de ce côté-là, où ça arrive régulièrement et assez souvent, en fait. Et on considère aussi, on constate plutôt qu'il y a une espèce de géométrie variable de Charlie qui a le droit de s'exprimer, qu'il faut à tout prix qu'il s'exprime malgré les menaces de mort et autres. Et apparemment, une université où normalement on devrait avoir une liberté de ton beaucoup plus. Oui, on en parle de liberté d'expression, tout ça. Et tout ça. Et où là, à la moindre menace de mort, apparemment, on plie, on se tait et on dit rien. Voilà la différence. Il y a un deuxième événement aussi actuellement en Palestine, qui est à la même date et qui est répété tous les ans aussi régulièrement, par le comité civil de résistance d'Hébron, qui est Al-Khalil en arabe. À savoir que Al-Khalil est dans une situation assez particulière, mais quasiment tous les villages ou toutes les villes là-bas sont dans une situation particulière. Il y a une importante colonisation sioniste ou dite juive en plein cœur de Al-Khalil, ainsi qu'aux alentours, où il y a des colonies sauvages, des fermes et autres, qui emploient d'ailleurs des enfants de moins de 11 ans, palestiniens, dans des conditions de travail assez particulières. Et quand ils se blessent au travail ou quand ils ont une maladie qui est contractée par leur travail, ils sont obligés de payer eux-mêmes les soins médicaux et autres. Et ces enfants sont en général sous-payés. Ils sont employés entre l'âge de 11 ans et de 16 ans dans des fermes coloniales. Mais mis à part ça, Al-Khalil connaît une colonisation extrêmement dure, extrêmement sauvage, avec une présence militaire assez importante. Depuis 1994, en fait, où il y a eu un événement, un terroriste israélien, colon, a débarqué dans une mosquée pendant la prière du vendredi et a tué une quarantaine de personnes. Depuis ce jour-là, ils ont pris prétexte de cet événement en disant que pour protéger les colons, ils étaient obligés de fermer la rue Shohada, qui est la rue commerçante de la ville, qui est l'artère principale, celle qui draine les flux économiques et les forces de travail en général, en la fermant et en la clôturant totalement. Les gens n'habitent quasiment plus là-bas. Le peu qui reste, ils étaient 600 vers 98-99. Maintenant, ils montent à 6000 à peu près. Essayent de résister, mais on leur interdit de faire des travaux de ravalement pour les maisons où certaines maisons menacent de s'effondrer. Certaines des bâtisses datent d'il y a à peu près 9 siècles ou 10 siècles, quasiment. Et ils organisent donc tous les ans, fin février jusqu'à début mars, une espèce d'événement qui s'appelle Open Shohada Street, donc ouvrir la rue Shohada, pour sensibiliser les gens à leurs questions, et surtout au niveau international. Voilà. Et du coup, on parlait du code du travail là actuellement. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il en est un peu plus en détail du code du travail en Palestine et en Israël ? Il n'existe pas. En Israël, il existe. En Palestine, il n'existe quasiment pas. Il y a un embryon par l'autorité palestinienne, mais il est quasi inexistant. Et le code du travail israélien discrimine clairement les non-juifs. Enfin, c'est comme ça qu'il le dit. Donc, non-juif ou non-israélien ? Non-juif. C'est écrit comme ça ? Non-juif. Tu ne peux être citoyen israélien que si tu es juif. Ok. Enfin, après, c'est ou d'ascendance ou autre, mais à partir du moment où tu prouves que, je crois que c'est ton arrière-grand-père ou grand-mère, et juive, donc tu peux prétendre à la nationalité ou à la citoyenneté. Vous vous rappelez qu'en Afrique du Sud, il y avait aussi un code du travail différent selon si on était blanc ou si on était noir pendant l'apartheid. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'apartheid en Israël aussi, quoi. Sauf qu'en Afrique du Sud, il y avait une déclinaison suivant les races, les métissages et autres, qui était assez complexe et qui s'est construite pendant pratiquement 50 à 60 ans, en fait. Et en Palestine, non. Il y a eu une occupation avec une déclaration d'un État colonial de fait, en fait, sans l'assentiment de la population locale, qui est Israël, et qui, n'étant pas légitime dans sa nature et dans son existence, on a eu de cesse d'essayer d'israéliser ou de judaïser, comme on dit couramment, la Palestine, en niant l'existence des autres populations. On pourrait prendre des extraits d'hommes politiques ou d'annonces ou autres. Les syndicats de travail israéliens, en général, sont des syndicats dont statut stipule très clairement d'entrée comme quoi ils sont là pour la promotion du travail juif et rien d'autre. Donc les non-juifs, le code du travail pour eux, c'est quasiment inexistant. D'autant qu'en plus, on a tellement complexifié les entrées et sorties des Palestiniens dans les villes et par rapport au truc avec des espèces d'arrêts, des espèces de trêves de 2 mois ou 3 mois, qui fait que beaucoup de travailleurs palestiniens ne bénéficient pas de la sécurité sociale, puisqu'il leur manque chaque année 3 mois de cotisation, alors qu'il faut plus de 9 mois de cotisation pour pouvoir avoir cette espèce de sécurité sociale. Et du fait d'empêcher les Palestiniens de rentrer à des périodes ou autres, ils cumulent plus de 3 mois et du coup, ils ne sont pas couverts au niveau de la sécurité sociale, malgré les cotisations versées sur le reste du temps. Ça, c'est un exemple, par exemple. Ou le travail des enfants qui est autorisé et toléré sur les Palestiniens de Cisjordanie, par exemple. On a beaucoup d'enfants, vu que les familles, en fait, au niveau économique, elles sont très précaires. Donc ils laissent leurs gosses, ce qui est assez schizophrène comme situation, ils laissent leurs gosses aller travailler dans des fermes qui sont coloniales, donc qui sont implantées illégalement en profitant d'une terre qu'ils volent, en fait, qui est gratuite pour eux, en profitant de l'eau qui est à bas prix pour eux alors qu'elle est à haut prix pour les Palestiniens, et qui fait que les gosses sont réduits à aller travailler chez leurs oppresseurs même et à quémander du travail chez leurs oppresseurs. Et les parents sont dans la situation d'envoyer leurs gosses chez ceux qui les oppriment continuellement. Ok, aussi, si tu voulais rajouter un truc, je sais pas, mais c'était pour parler, notamment dernièrement, il y a le conseil municipal de Paris qui a voté un vœu qui criminalise la campagne BDS, donc boycott des investissements sanctions. BDS, qui est aussi une campagne initiée par la société civile, toute tendance confondue palestinienne, qui a une espèce de représentation plus ou moins légitime en France, qui est BDS France. Et l'État et les politiques n'ont eu de cesse, surtout une partie d'entre eux, de criminaliser ce mouvement. Dans le sens où, moi, j'ai vécu les appels au boycott de l'État d'Afrique du Sud à l'époque où il y avait l'apartheid, où ce n'était pas criminel du tout, on pouvait le faire sans problème. A priori, là, ça serait considéré comme antisémite. Et on a Valls aussi également qui essaie de jouer sa carrière politique, que ce soit sous la loi El Khomri, où il ne veut pas passer que pour Fillon. Donc, il pose comme condition sa démission si la loi ne passe pas, alors que lui, ça l'arrange grave de se retirer du gouvernement vu la chute de Hollande. Là, pareil, il fait une espèce de surenchère sur fond d'islamophobie, en fait, en voulant criminaliser l'antisionisme comme antisémitisme, alors que c'est deux choses totalement différentes. Il a amalgamé les deux. Tu peux nous expliquer la différence Enfin, pour moi, déjà, j'ai un problème avec le terme antisémite, parce que je trouve que c'est un terme racialiste qui date du 19e siècle et qui ne devrait même pas avoir de raison d'être. Et je ne comprends pas pourquoi on l'utilise encore actuellement. Mais au-delà de tout ça, le sionisme, c'est un projet politique qui se base à la fois sur le fait religieux, mais aussi sur un fait politique qui est issu de courants assez racialistes de l'époque qui dominaient au 19e siècle en Europe, où c'était légitime d'aller sur les terres des autres, de déporter les populations locales ou de les détruire ou de s'en servir comme force de travail gratuite ou autre. Et du coup, la communauté juive européenne, à l'égal de la communauté chrétienne ou athée ou ce que tu veux européenne, avait cet idéal et ce projet de pouvoir s'installer sur une terre gratuitement et d'en faire ce qu'ils voulaient, quoi. C'était pas tous les juifs aussi en Europe, même... parce qu'il y avait le projet du je crois que c'était Yiddishland, qui devait avoir un État pour les Juifs au niveau de la Pologne ou quelque chose comme ça. Ouais, donc c'était. Ce qui est plutôt particulier, Yiddishland, comme le nom l'indique, est relatif à une ethnoculture typique, celle du Yiddish ou de Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est en général, voire un petit peu en Allemagne. Mais l'antisioniste, c'est un projet politique qui consiste à dire clairement que la communauté juive doit avoir sa propre terre, son propre État, pour être à l'abri de discrimination, ce qu'on n'entend pas du côté d'autres religions qui sont opprimées ou pas, et qui se fait au détriment d'une population locale. Si elle ne se ferait pas au détriment d'une population locale, à la limite, pourquoi pas. Mais là, elle se fait au détriment d'une population locale qui est palestinienne, dont la population locale refuse cet État colonial et puis le fait de lui imposer de l'extérieur, comme ça a été le cas. Les juifs palestiniens, en général, qu'on retrouve plutôt, qui sont religieux orthodoxes, qu'on retrouve sous l'appellation Nature et Cartail, et qui sont encore vivants et qui existent toujours en Palestine, que ce soit de 48 ou que ce soit de 67, refusent également de se considérer comme israéliens. Ils estiment qu'ils sont palestiniens et qu'ils ne veulent pas du sionisme, en fait. Qu'ils estiment, en plus, comme un courant politique non juif et contraire à leur dogme religieux. Mais on a cet amalgame en France avec cette histoire et cette culpabilité liée à la Deuxième Guerre mondiale sur le génocide qu'ont opéré les nazis, à la fois sur les juifs, mais pas que eux. Il y a aussi les gitans, les roms, les courants sexuels qui n'étaient pas considérés comme dans la norme de l'époque, que ce soit homosexuel ou lesbienne, ou que ce soit juste d'autres races considérées comme inférieures, comme les slaves ou d'autres encore, ou je ne sais quoi. Mais avec cette culpabilité, le fait aussi qu'il y a un amalgame à chaque fois, que des mauvais termes sont utilisés comme antisémitisme à tout bout de champ, fait qu'on a une espèce de brouhaha, de fouillis, qu'on a du mal à comprendre entre sionisme, judaïsme, antisémitisme, antisionisme, alors que de fait, il n'y en a pas. Antonio, tu voulais prendre la parole? Ouais, ouais. Juste 30 secondes. Mais moi, c'est pareil pour l'international, c'est pour un pays, la Colombie. C'est une année cruciale parce que les FARC vont peut-être baisser enfin les armes et mettre fin à plus de 60 ans de guerre civile. Donc voilà, j'ai une pensée pour mis colombianos, mi familia, en Bogota, mi novia y mis padres. Gracias. Ok, bah, je te remercie. C'est pour dire aussi, par rapport, quand je parlais du vœu que la mairie de Paris a voté, on avait invité la semaine dernière le collectif 8 mars pour toutes, qui organisait une manifestation samedi dernier. Avec la militante, le t-shirt BDS. Il y a une militante qui a été arrêtée par la police parce qu'elle portait un t-shirt BDS. Et en fait, clairement, on voit que la police permet d'arrêter des gens au milieu des manifestations comme ça, et avec la bénédiction de la mairie de Paris, socialiste encore. Donc voilà. On en revient là. Que toute la manif s'est arrêtée devant le commissariat pour exiger la libération de ma camarade, qu'elle a pu, grâce à cette mobilisation, sortir. Mais que voilà, en face de nous, il y a des gens qui sont prêts à aller très loin dans la répression. On en revient à la convergence des luttes, tout simplement, en fait. Parce que sur le cas palestinien, là, c'est le t-shirt BDS avec toute la campagne de criminalisation qui a lieu depuis pas mal de mois, en fait, même depuis 2 ans, on va dire. Mais elle a déjà commencé bien en amont. Je signale juste que la préfecture de Paris, que la mairie de Paris, interdisent tout tractage et diffusion d'informations sur la Palestine quand elle n'est pas subordonnée à une autorisation préfectorale. C'était avant l'état d'urgence. Maintenant, avec l'état d'urgence, on en profite pour, quel que soit le militant, s'il n'a pas la bonne couleur politique ou s'il n'a pas le bon discours politique, de dire, bah, monsieur ou madame, vous rangez vos tracts et vous avez demandé une autorisation parce que là, c'est interdit. Par contre, si je suis du PC dans une mairie PC, il n'y a pas de problème. Si je suis UMP dans une mairie UMP, il n'y a pas de problème non plus. Du coup, on a pas mal débordé. On va tous vous laisser. Bonsoir tout le monde. Ok, donc c'était au fond près du radiateur. On se retrouve mardi prochain de 19h à 20h30. Et tout de suite, vous retrouvez l'émission Dooboot, donc sur la diaspora noire, avec Lucien et Théo. Et Robinson, si tu peux nous lancer un peu une pause musicale. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle les rassemblements demain, donc mercredi 9 mars. Il y aura tout un mouvement de grève contre la loi travail. Donc les rendez-vous sont à 11h à Place de la Nation. 12h30 devant le MEDEF, donc métro école militaire, et 14h à République. Je sais pas, un dernier mot, une dédicace, quelque chose, je vous en prie à l'aider. Hein. Moi, c'est merci FPP pour la liberté d'expression. Dédicace aussi à tous les Ultra France qui militent pour leur liberté dans le stade et qui défendent justement l'accès à tout le monde dans le stade. Ce qui est un principe d'égalité, faut pas qu'on parle, faut aussi l'appliquer. Et aussi courage à tous ceux qui luttent, ou ceux qui veulent lutter, c'est le moment. Et c'est long. Vive la grève. Vive la grève, ouais. Faites du bruit là. 106.3 FM, gardez l'écoute, c'est l'émission Dooboot, tout de suite.